Mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs d'avoir bien voulu me convier à ce colloque, ainsi que le Sophia Paul. À titre de transition, et comme vous l'avez évoqué, monsieur Chagnal, le 19e siècle, on va dire, est central pour comprendre les incertitudes du socialisme. Après avoir assisté à l'affirmation des droits individuels absolus au XVIIIe siècle, on peut dire qu'on assiste au XIXe siècle à l'existence réelle de l'être social et, comme vous l'avez dit là encore, à l'impératif de la socialisation. Si bien qu'à cette période, et je vais reprendre là une phrase de Claude Nicolet, il s'en dégage un droit supérieur à celui de l'État, le droit social, qui seul pourrait garantir les droits individuels en montrant qu'ils expriment en fait un devoir de solidarité envers la collectivité. À titre liminaire et avant d'évoquer la théorie du quasi-contrat, je vais donner rapidement les noms de ceux qui, principalement, se sont emparés de l'idée de solidarité. À la lumière de ces différentes conceptions donc, de la solidarité, je tenterai, toujours en introduction, de mettre en relation et de façon schématique les circonstances historiques d'émergence du solidarisme et notamment du solidarisme de Léon Bourgeois. Commençons à brosser, si je puis dire, les portraits de ceux qui ont rendu plus usuel le terme de solidarité. En 1839, paraît l'ouvrage donc, de l'Humanité de Pierre Leroux, où apparaît pour la première fois l'acception politique du terme de solidarité. Ensuite, dans un autre ouvrage, La Grève de Samarès, Pierre Leroux va donner une définition de la solidarité qui ne va pas uniquement se limiter au domaine juridique. À cet effet, je vais le citer. J'ai le premier utilisé le terme de solidarité pour l'introduire dans la philosophie, c'est-à-dire, suivant moi, dans la religion de l'avenir. J'ai voulu remplacer la charité du christianisme par la solidarité humaine. Au sortir du socialisme de Leroux et de sa foi nouvelle, si je puis dire, en une volonté de perfectionnement du christianisme, le solidarisme fait son chemin et devient, en 1880, un grand thème d'actualité. À cette même date, Henri Marion, qui est alors professeur de philosophie au lycée Henri IV, fait paraître un ouvrage sous le titre de la solidarité morale, essai de psychologie appliquée. Et comme son titre l'indique, il va traiter de la solidarité, je vais dire, sous la lumière morale. 9 ans plus tard, en 1889, se crée une étude de société sociale à Genève qui organise une série de conférences où l'on peut voir que se confrontent à ce moment-là les principales doctrines économiques en vogue. Parmi ces dernières, il y a surtout l'émergence de l'école nouvelle que Charles Gide appellera par la suite l'école de la solidarité. En 1893, Charles Gide, en parlant de Durkheim et de la division du travail, va dire que Durkheim présente une acception contradictoire de la solidarité. Et cette acception contradictoire de la solidarité se fait sous un aspect nouveau. En distinguant dans sa théorie sur la division du travail, d'un côté, la solidarité mécanique, qui en quelque sorte annihile les individualités, de l'autre, la solidarité organique, qui, elle, va les respecter et les mettre en valeur. En 1903, Charles Bruno défend le solidarisme devant l'Académie des sciences morales et politiques et dit du mot « solidarité », je le cite, « qu'il n'aura d'autre sens ici que connexité sociale ou interdépendance des hommes dans la vie en société ». Aussi, à l'aune de ces conceptions diverses sur la solidarité, on serait tenté de dire, comme Célestin Bouglé, qu'il y a en fait autant de solidarisme qu'il y a de solidaristes. Mais parler du solidarisme, et notamment du solidarisme juridique, c'est se référer à une doctrine précise qui est celle de Léon Bourgeois. Dans la mesure où il l'a formulée, on va dire, de façon la plus retentissante possible, en la poussant à l'extrême, et en la poussant à l'extrême, il va poser en fait comme principe obligatoire l'application du droit de contrainte par l'État. Dans un deuxième temps de cette introduction, et après avoir donc ébauché les noms de ces principales figures, il nous faut maintenant comprendre en fait les raisons d'émergence du solidarisme. À cet égard, il convient de retracer en quelques mots le cadre social. Je laisserai de côté le mouvement mutualiste, corporatif, pour signifier simplement que la période où naît le solidarisme, eh bien, c'est une période de crise économique majeure, entre, allez, mettons, 1873 et 1895, qui est dominée en fait par la hantise d'un socialisme, et notamment d'un socialisme qui est en train d'ériger un système propre. Et face à l'émergence d'un système qui est en train de se construire, les radicaux sont encore emmitouflés dans la chaleur du sommeil du programme de Belleville. Et Serge Dié dit à cet égard, il sommeille encore là-dedans. Ce manifeste, qui va être publié en 1896 par Léon Bourgeois, qui s'intitule « La solidarité », c'est en fait un recueil d'articles que Léon Bourgeois avait publié dans la Nouvelle Revue. Et ce manifeste va attirer l'attention des socialistes et même des catholiques sociaux, enfin bref, de tous ceux qui sont plus ou moins intéressés par la question sociale. Le 23 juin 1901, dans le discours qu'il prononce à la séance de clôture du congrès constitutif du Parti radical, Léon Bourgeois définit la nouvelle formation politique du parti de solidarité républicaine et sociale, dira-t-il. Et malgré les très nombreuses appropriations doctrinales de Léon Bourgeois, il faut ici mentionner l'influence notable de ses crétants, de Charles Gide, et Charles Gide qui, lui, va prôner plutôt un solidarisme de coopération que certains décriront en disant, en fait, c'est une forme de psychologie idéaliste. Bref, concernant le coopératisme, Bourgeois va glaner une pensée qui, durant cette période, n'est plus vraiment à la mode. En effet, le mouvement coopératif, donc héritier, comme vous l'aviez dit, pardon, de Proudhon et de Fourier, n'est plus véritablement au cœur de la pensée socialiste à ce moment-là. Et l'idée de coopération, de libre association, donc, est en quelque sorte tombée en désuétude. Et ce, pour une raison bien simple. Le socialisme pour les radicaux, je dis bien pour les radicaux, tend à s'appuyer sur l'État. Et si je fais œuvre de vulgarisation, je vous prie de pardonner ici, le paysage du socialisme est marqué par la lutte des classes et par l'affirmation de l'autorité de l'État, selon, bien évidemment, une vision radicale. Le mutualisme s'est quelque peu débarrassé de ses oripeaux socialistes, comme en témoigne la grande loi de la mutualité en 1898, et c'est selon moi le fait qu'il n'est plus à proprement parler un mouvement à caractère socialiste révolutionnaire. Et voilà le coup de force doctrinal, certains diront l'opportunisme doctrinal de Léon Bourgeois, c'est que l'idée de solidarité doit prendre le relais de l'idée d'association. Idée d'association qui avait été pourtant omniprésente, donc comme nous l'avons vu précédemment, dans les premières décennies de la réflexion socialiste. Malgré la profondeur du fossé qui sépare les solidaristes des socialistes, Bouglet dira « Le tour de force des solidaristes a été de réussir à se laver du soupçon de socialisme tout en faisant figure de réformateurs sociaux. » Cette nouvelle théorie d'ensemble des droits et des devoirs de l'homme vivant en société se résume en un mot, dit Léon Bourgeois, celui de l'association. L'associationnisme radical et radical socialiste s'appuie sur une notion, celle du quasi-contrat. La notion initiale de quasi-contrat, je tenterai de l'expliquer, non pas en insistant du point de vue juridique, puisque c'est une notion très discutable juridiquement parlant, mais plutôt en m'attardant davantage sur le changement profond qu'elle entraîne, notamment à travers l'interprétation du droit. À cet égard, Léon Bourgeois a pour volonté d'établir une sorte de contrat entre le citoyen et l'État. Et cela pour justifier que le citoyen puisse intervenir dans les affaires sociales. Afin de bien marquer le point de départ, Léon Bourgeois appuie sa doctrine à cet égard sur un double constat. Ce double constat, certains vont dire, c'est une forme d'offensive sociologique, ce double constat repose sur, d'une part, le quasi-contrat social que j'ai cité précédemment et d'autre part sur la dette sociale. Quasi-contrat social et dette sociale qui doivent donc tous deux inaugurer une philosophie du devoir. Concernant le quasi-contrat, Léron Bourgeois va reprendre la thèse rousseauiste, mais selon une symétrie qu'on peut qualifier d'inverse. C'est-à-dire que là où le quasi-contrat social repose sur l'idée que chacun contracte une dette à mesure du service rendu par tous, en fait, il va y avoir un renversement de la conception contractuelle rousseauiste classique, dans la mesure où Léon Bourgeois place le contrat non pas à l'origine, mais bien en fait au terme de toute association. Dans cette perspective, le quasi-contrat constitue la reconnaissance d'une dette dont les membres du corps social doivent s'acquitter à l'égard d'eux-mêmes. Puis, après s'être acquittés de cette dette à l'égard d'eux-mêmes, ils doivent s'en acquitter à l'égard de la société, et enfin, ils doivent s'en acquitter à l'égard des générations passées et des générations futures. Pour tenter d'appréhender le quasi-contrat comme naissance d'un probable futur état association, il s'agira ici de savoir quels sont les moyens dont se dote Léon Bourgeois pour contraindre au devoir de solidarité. Et plus exactement, comment Léon Bourgeois tend-il à reformuler une forme de contractualisme individualiste. Nous verrons donc dans un premier temps que la tentative de Léon Bourgeois est de créer un solidarisme cherchant à rompre les frontières entre droit public et droit privé, notamment par un infléchissement en fait, du droit public. Pardon. Dans un second mouvement, et malgré l'obscurité de la notion, il s'agit de voir comment le quasi-contrat social devient la justification solidariste d'une limitation de l'intervention étatique. Dans un premier mouvement, je vais évoquer le recours ambigu au contrat comme possible amorce de la privatisation du droit public. Le solidarisme en tant que justification théorique ingénieuse, selon Claude Nicolet, demeure l'objet d'un réinvestissement constant d'un raisonnement juridique. En vous livrant mon plan, j'évoquais le caractère obscur de la notion de quasi-contrat, car il ne cherche pas à subsumer un fondement politique à la société politique, il ne cherche, on va dire, pas autre chose qu'à substantialiser, qu'à moraliser le droit. Par là, en étendant le système de quasi-contrat à la théorie de l'État, les solidaristes vont tendre à une certaine privatisation, comme je le disais, des rapports de droit public. Privatisation, donc, du droit public et réorganisation pacifique de la société par des méthodes qui se situent, on va dire, au carrefour entre perspectives républicaines et perspectives conservatrices qui ambitionnent de sauvegarder les bases d'un libéralisme politique. Libéralisme politique, comme vous le savez, auquel les radicaux sont très attachés. D'un côté, donc, l'idée de privatisation du droit public, ou tout du moins d'indétermination entre droit public et droit privé, qui s'effectue chez Léon Bourgeois grâce à l'emprunt fait aux civilistes de la théorie de quasi-contrat. De l'autre côté, nous verrons comment la projection du quasi-contrat sur le droit public détermine la fonction de l'État, son champ d'intervention et ses limites. Concernant maintenant l'idée d'infléchissement du droit public, on s'aperçoit ici que le caractère dérivé du droit public fait de la dette sociale la cause juridique d'une obligation. De plus, on observe que cette même obligation prend sa source dans l'existence même de la société, société qui ici préexiste donc à l'État. Je vais mentionner à cet égard Léon Duguy qui, comme Léon Bourgeois, considère que l'humanité est divisée en hordes, en familles, en nations. Et à ces divisions donc, que je viens de donner, Célestin Bouglet dira aussi que la famille, que l'État, que la religion sont finalement des associations naturelles reposant sur un engagement inné, sur un engagement antérieur, sur un engagement indestructible dans son ouvrage sur le solidarisme. Ainsi, l'individu a une tendance naturelle à rester dans ses diverses associations, et ce en vertu d'une dette contractée en raison des bienfaits reçus. Je reviendrai plus tard sur cette question. En raison de ces bienfaits reçus, l'homme a même le devoir d'y rester, puisque l'État émane de la société, soit de ses diverses associations. Or, le fait de vivre en société, de profiter implicitement de cette association, crée une dette. Et pour que chaque individu s'acquitte de cette dette, les associations naturelles appuient leur fondement sur ce que Léon Bourgeois nomme le quasi-contrat. Dès lors, le solidarisme doit reposer sur un contrat qui doit être pour lui un nouveau contrat social entre des hommes qui éprouvent la nécessité de vivre ensemble, car, dit Bourgeois, je le cite, « une infinité de causes que notre volonté n'a pas créées provoque des obligations. Et précisément ce qui résulte de la solidarité de fait, c'est un quasi-contrat de cette nature qui impose à chacun des obligations. » Et ici, à mon avis, se dégage la présence de l'héritage libéral détourné. Bourgeois cite à plusieurs reprises son ouvrage « La solidarité » Spencer. Spencer, dont ce dernier considère que les contrats auront une importance plus capitale que les rapports sociaux eux-mêmes. Or, alors que pour Spencer, il y a contrat librement passé entre individus, et ce, quelle que soit la situation particulière de ces individus, Bourgeois considère que le premier de ces contrats doit avant tout rétablir la balance des avantages, avant de les autoriser par la suite, donc, à contracter des quasi-contrats librement consentis. Ce rétablissement d'une égalité, donc des avantages, selon Jean-Fabien Spitz, devient aussi la légitimité de la société elle-même. Pour cela, les relations de droit public vont être transposées à une relation qui existe entre le droit privé, soit le quasi-contrat qui préexiste à l'État, et le droit public qui devrait être fondé sur une association quasi-contractée naturelle. Car après tout, pour Charles Bruno, je le cite, « les deux branches du droit sont distinctes, mais elles n'en appartiennent pas moins au même arbre. La loi ne devrait pas distinguer entre le droit individuel, le droit public, le droit international. Il n'y a qu'un droit, un droit unique, un unique et individuel. » Bref, voilà alors comment la volonté des solidaristes sera de réduire droit public et droit privé, en fait, aux deux faces d'une même pièce, celle de la solidarité comme projet juridico-politique. Dans un deuxième temps de cette première partie, je m'attarderai sur la projection de la théorie du quasi-contrat sur les institutions du droit public. Chez Léon Bourgeois, sa compréhension de sa notion de contrat lui vient en fait du droit romain. D'ailleurs, écrit une thèse à ce sujet. Je vais citer Léon Bourgeois. « Là où la nécessité des choses met les hommes en rapport sans que leur volonté préalable ait pu discuter les conditions de l'arrangement à intervenir, la loi qui fixera entre eux ces conditions ne devra être qu'une interprétation et une représentation de l'accord qui eût dû s'établir préalablement entre eux. S'ils avaient pu être également et librement consultés, ce sera la présomption du consentement qu'aurait donné leurs volontés égales et libres qui sera le seul fondement du droit. En l'occurrence, il n'y a pas d'accord préliminaire entre les hommes pour établir donc les conditions de leur rapport mutuel. Et à défaut de contrat social, les hommes sont liés par un contrat, par un quasi-contrat social, qui fait naître des obligations envers les générations passées et futures. Toujours selon Bourgeois, la société existe, et je le cite, « elle se maintient par l'acceptation tacite de ceux qui la composent. Il y a entre eux ce que le droit civil a depuis longtemps défini sous le nom de quasi-contrat. Or, le quasi-contrat, dit Bourgeois, n'est autre chose qu'un contrat rétroactivement consenti. » Les rapports de solidarité font l'objet d'adhésion dans la mesure où ils consistent en fait en un échange de services qui va devenir à ce moment-là profitable à tous. Certains juristes, comme Henri Visios, diront que Bourgeois emprunte à la notion de quasi-contrat ce que contient cette notion de plus mauvais, c'est-à-dire le consentement fictif. Visios va dire « ce consentement fictif, Léon Bourgeois lui prête en retour une existence réelle puisqu'il l'a fait servir non seulement d'explication, mais aussi de fondement et enfin d'obligation même. » Certes, la notion manque de précision puisque, bien évidemment, il est difficilement perceptible de saisir le contenu de l'obligation dont chaque être humain est tenu en vertu de la solidarité. la manière exacte dont il doit s'en acquitter. Pour autant, l'obligation tente ici une percée dans le droit. Il ne s'agit pas de transplanter une institution de droit civil dans la théorie de l'État, mais de reconnaître que toute la matière de l'organisation de la société, si elle repose sur la solidarité sociale, repose alors sur le quasi-contrat. La solidarité devient alors ici le quasi-contrat même. Est-ce là une réduction de toute relation juridique de la société à des institutions de droit privé? Pas exactement. Certes, oui, 7 minutes, bien, on va essayer d'aller au plus vite. Certes, Bourgeois étaye sa démonstration par des références à la législation positive, et notamment celle du Code civil. Je vous renvoie là, si ça vous intéresse, aux articles 1370 et suivants, relatifs donc aux engagements qui se forment sans convention. Ce qui est important quand même de préciser, c'est que l'interdépendance contrainte met volontairement les hommes en contact chez Bourgeois. Et la notion de quasi-contrat, qui est consubstantielle à la dépendance et au devoir moral, je n'ai pas le temps d'en dire plus, démontre une chose majeure. Cette chose majeure, c'est que l'association humaine ne peut plus seulement se contenter d'exister comme fait, elle doit pouvoir exister comme droit. Et pour être légitime, il faut d'abord qu'elle soit fondée par ses membres. À cette unique condition, la société sera organisée selon les propres termes, donc définis et acceptés par les associés. Et à partir de cet instant-là seulement, de ce quasi-contrat qui est créé par les associés, l'intervention étatique n'est donc plus une atteinte à la liberté individuelle, puisqu'elle ne fait que reconnaître les obligations réciproque préexistante. Dans un second et dernier mouvement, je parlerai de la justification solidariste d'une intervention étatique limitée. Afin d'évoquer plus encore spécialement l'État-association et l'interpénétration entre droit public et droit privé, Bourgeois s'empare notamment du scientisme, qui ne sera pas évoqué ici, je ne mentionnerai pas les influences positivistes et scientistes dont s'empare Bourgeois faute de temps. Il s'agit simplement de mettre quand même en lumière les influences d'Hippolytaine sur le solidarisme de Bourgeois. Le chemin, je l'espère, ne sera pas trop sinueux et évidemment, vous pouvez vous interroger sur savoir qu'est-ce que vient faire Hippolytaine, cette bête noire des Républicains, dans un exposé sur Léon Bourgeois et le quasi-contrat. Eh bien, dans les origines de la France contemporaine de Taine, Taine va accuser Rousseau, et avec lui la théorie du contrat social, d'abolir le passé. Il définit l'État comme un être vivant et non comme une abstraction. Taine identifie l'État à une société naturelle et le compare à la famille. Pour Taine, l'État est bien une association naturelle, un groupe naturel préexistant à l'individu. Et Taine va alors évoquer, je le cite, un quasi-contrat conclu d'avance. Dans ce quasi-contrat, Taine va voir un échange de services différents par des contractants différents. Déjà, chez Taine, l'individu contracte une dette par rapport à l'État. Espérant évidemment l'écueil d'affirmer qu'il y a en Hippolytaine quelque chose de solidariste, il me semble que son idée de quasi-contrat va influer directement sur le solidarisme. Et d'ailleurs, Célestin Bouglet va dire, en 1907, « Une distinction proposée par Taine nous permet de comprendre quelle est l'attitude propre des solidaristes et pourquoi ils ont cru devoir substituer à la théorie du contrat celle du quasi-contrat. » Dans le sillage de cette maxime rebattue « où l'ennemi de mon ennemi devient mon ami », Bourgeois, parce que républicain et parce que trop attaché à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, reprend Taine pour mieux s'opposer à la formule rousseauiste du contrat social, qui ne ferait, selon Bourgeois, que contraindre, en fait, l'individu à remettre entièrement à la volonté générale dans le but unique de pouvoir récupérer certains droits. Voilà pourquoi le quasi-contrat de Taine sera repris par Léon Bourgeois dans une version remodelée où un état de fait, oui, mais un état de fait où nous n'avons pas souscrit volontairement et un état de fait qui doit donc nous obliger pour Bourgeois. Chez Léon Bourgeois, l'État solidariste est réduit à être le bras séculier de la solidarité et enfin le restaurateur de la justice sociale. Ma première idée concernant l'État comme détermination, comme bras séculier de la solidarité, entraîne en fait la loi à devenir exécution du quasi-contrat. Bourgeois veut, sur le modèle d'une entreprise industrielle ou commerciale et en vertu d'obligations réciproques liant les membres entre eux, que chacun, je cite, que chacun équitablement prenne sa part des charges et des bénéfices, des profits et des pertes. À la seule différence de l'entreprise, c'est qu'avec la société, bien entendu, il n'existe pas de convention préalable à la constitution de cette dernière. Rôle limité de l'État, certes, mais pas non moins incitatif, car l'État doit développer un système d'assurance contre, dit Léon Bourgeois, les incapacités naturelles, en assurant la vie matérielle de l'enfant, de l'infirme, du vieillard, etc., ainsi qu'un ensemble d'assurances contre les risques sociaux. Dès cet instant, devant autant d'inégalités, Léon Bourgeois admet que la notion du quasi-contrat et la sanction qui l'entraîne doit pouvoir venir donc de l'État lui-même. Le pouvoir de gestion de l'État doit être moindre, mais son pouvoir judiciaire et la volonté du législateur de réparer donc les injustices du fait de l'homme doivent être accrues. Je vais juste terminer en disant que chez Léon Bourgeois, l'État est quelque part accessoirisé. Je ne vais pas dire inutile, je tiens à montrer par là que l'État, dans un souci d'égalité entre tous, est placé au service de la solidarité. Il doit donc en être son accessoire. La place de l'État est alors réduite et son intervention doit seulement se limiter à des causes justes, ce qui constitue là mon ultime et dernier point. Je terminerai mon développement sur la dette sociale, qui devient donc la source d'un État restaurateur de justice sociale. Bourgeois exprime l'idée d'une double dette sociale, que l'homme doit s'acquitter. La première dette, l'homme doit la rembourser par son travail au sein de la société, société humaine. Quant à la seconde dette, l'homme doit apporter sa contribution au progrès humain. Cette notion de progrès intrinsèque à la dette sociale est mentionnée d'ailleurs par Jacques Donzelot. Bon, je vous éviterai les citations de Jacques Donzelot, qui sont par ailleurs très intéressantes, pour dire que l'État ne peut pas faire en fait le décompte de ce que chacun devrait à la société. Bourgeois en est tout à fait conscient. Et cela fait dire à Eugène Deschtal que le raisonnement de Bourgeois contient en fait une contradiction qui de suite frappe, dit-il, les yeux et l'esprit. Les hommes, dit-on, sont liés par une association antérieure à leur naissance et dont ils ne peuvent se dégager. Puis, toujours en parlant de l'ouvrage « Solidarité de Bourgeois », puis Bourgeois assimile à des personnes ayant contracté, ayant formé une association avec d'autres. En critiquant en fait la fiction juridique qu'est la notion de quasi-contrat, Eugène Deschtal réussit quand même à dire que Bourgeois inaugure une rupture. Cette rupture, c'est que Bourgeois va partir du social, donc de la solidarité, pour définir les missions de l'État. Puisque c'est sans remettre en cause la responsabilité du politique, ni les missions, ni ses actions, ni son volontarisme, que la notion de quasi-contrat a pour but, en fait, de subordonner le politique au social. La primauté n'est donc plus accordée à la politique, et la politique n'est donc plus un modelage du social, et elle n'est plus cette base où le politique octroie des droits positifs, ce que Mona Ouzouf s'était attachée à dire depuis la Révolution, mais le contrat rousseauiste, en fait, accepté chez Bourgeois, est là encore de façon symétriquement inversée. Donc, je vais conclure pour dire que le solidarisme résout ainsi, à sa manière, la contradiction entre droit naturel et droit positif. Et pour Nicolet, le solidarisme arrive à faire du droit naturel non plus la condition a priori du droit positif, mais sa justification a posteriori. Ainsi, il est évident de comprendre que le système solidariste n'est pas autonome, dans la mesure où beaucoup s'accordent à dire qu'il est une idéologie de la réconciliation, et qu'il en devient presque un syncrétisme. Je termine là en disant que certes c'est un syncrétisme, mais un syncrétisme qui, grâce au quasi-contrat social, substitue, avec des doctrines libérales, comme j'ai tenté de le montrer, et conservatrices, l'ordre politique juridique ancien en un ordre social nouveau, dissimulé bien évidemment derrière des formes juridiques. Ces formes juridiques doivent ainsi permettre à l'État de garantir les conditions d'une juste association. Autrement dit, le droit positif réalise le droit naturel. Je vous remercie de votre attention.